De l'autre côté de la colline, on tombe sur le fleuve. Et à moins de 100 lieues en amont, la ville fortifiée. On devrait y être dans une heure. Une ville fortifiée? Au milieu de la jungle? Vous avez la fièvre, franchement. Négatif, capitaine. Enfin, pour la fièvre. Et positif pour la ville fortifiée, capitaine. De ce que j'en ai vu, certains bâtiments font plusieurs étages. Il y a des palissades en bois tout autour et une belle porte, avec deux tours de guet pour pénétrer dans l'enceinte. Et puis ce que j'en dis, c'est que ça a l'air de brouiller de monde là-dedans. Et puis que ça va nous faire du bien de manger autre chose que du manioc en poudre. Lukuleta est la capitale du royaume Mpembo. L'actuel souverain, le roi Mpanzu Alumena, est connu pour avoir plus de 10 000 sujets. Un roi maintenant. Et comment doit-on l'appeler? Votre Majesté, Votre Excellence, Messire Grand Chef des Fétiches aux Mille Gris-Gris? Le roi Mpanzu maîtrise plus de 8 langues continentales et européennes, dont le français. Il a aussi une garde personnelle composée de 300 hommes, d'excellents fusils allemands, et est assez sensible au respect de son rang et de sa dignité. Mais ne vous inquiétez pas pour le protocole. Je doute qu'il accepte de recevoir un autre blanc que le chef de cette expédition. Cet homme peut nous donner des renseignements précieux sur le professeur de l'écluse. Il est presque certain que son expédition a fait une escale à Lukuleta. Nous devons lui faire une bonne impression, entrer dans sa cité avec toute la pompe dont nous sommes capables. Qui est somme toute assez modeste, hein? Ne vous arrêtez pas aux périantes et regardez le cœur de la fleur, Camille. Il n'y a rien de tel qu'un défilé impromptu pour raviver les couleurs d'une compagnie militaire. Nous devons être à la hauteur de ce moment historique. Nous resterons ici 2 à 3 jours, le temps de reprendre des forces et de collecter des informations utiles à la suite de notre mission. Avez-vous des questions, soldat? Non, capitaine. Avez-vous des questions? Il se croit où l'averti? À l'institut? Comment qu'on fait si il nous parle cela du pays, monsieur Villiers? Dans mes voyages, j'ai expérimenté plusieurs techniques d'approche avec les indigènes. Je vous conseille de leur sourire gentiment et d'utiliser des gestes simples pour leur indiquer que vous ne comprenez pas, mais que vous êtes honoré d'être en leur présence, que vous trouvez leur village ou leur habit très beau. N'hésitez pas à offrir des petits cadeaux, surtout aux hommes et aux enfants, mais ne vous adressez pas directement aux femmes. Soyez courtois et tout se passera bien. Et qu'est-ce qui nous dit qu'ils nous attendent pas pour nous bouffer? Que le roi Mambou n'a pas invité son meilleur chef pour nous cuisiner avec du sorgho ou des bananes au miel? Merci pour ce trait d'humour qui vous honore, capitaine. Maintenant, en marche! Garde à vous! Et la musique, capitaine? Mon Dieu, j'allais oublier la musique! La compagnie n'a même pas d'hymne. Peut-être parce que c'est pas une compagnie. Très bien, très bien. Trouvons quelque chose de simple et qui se marche bien. Karyadek, vous pensez à quelque chose? Un chant de chez nous, peut-être? Guerre, guerre, vent au vent, ou la jument de Michaud? Ah, le premier, c'est parfait. Laissons le loup, le renard et la bonnette en dehors de tout cela. Commencez à chanter. Je suis certain que les autres sauront entonner l'air. Il n'y a que 4 notes, de toute façon. Les porteurs nous accompagneront avec leur tambour. En avant! Marche! Après cette année de guerre... Ah, j'aime vraiment beaucoup les défilés. Après cette année de guerre, cette année de bâtiment. Je reviens de grande terre, je reviens à l'Orient. Je reviens de grande terre, guerre, guerre, lentement. C'est vraiment très intéressant. Sukula kima ku subiri mbele kibanda ambacho kime shukuliwa. Unaweza pia kuocha ndani ya kibanda. Kuna shuka? Menasuka. Un repas a été préparé spécialement pour les soldats et vous attend devant la hutte qui vous a été réservée. Vous pourrez également vous y laver. Allez profiter de ce repos bien mérité. Je vous rejoindrai après mon dîner avec le roi Mpanzu. Emmenez-moi avec vous. Invitez-moi chez le roi. Ah, c'est impossible, Camille. Le conseiller a été formel. Il veut un tête-à-tête. Seul Christian sera avec moi en cas de besoin. Nous avions un accord. Je finance une bonne partie de l'expédition. J'ai le droit d'être aux premières loges. Je ne peux pas malmener le protocole à ce point. Et qu'en penseraient les autres? Cela éveillerait les soupçons. Je suis désolé. Je comprends que la perspective d'une soirée avec ces soulards ne vous enchante guère. Ce sera certainement plus distrayant qu'avec vous. Hé, les gars! Camille! Qu'est-ce que vous dites? possible d'ouvrir une caisse de vin de la réserve. Cette femme, il y a quelque chose en elle de dangereux, c'est évident. Parce qu'elle se déguise en homme? Non, bien sûr. Nous saisirions toute cette occasion si elle se présentait, mais non. Je n'ai jamais vu mon fils aussi fasciné par quelqu'un, aveuglé presque. Comme si elle avait un pouvoir. Non, évidemment, c'est une femme. Et Corentin est le seul à le savoir. Ce doit être grisant. Si elle lui inspirait des poèmes, au moins. Comme votre Baudelaire, avec sa... œuvre de quelque hobby. Le Faust de la savane, sorcière au flanc d'ébène, enfant des noirs minuit. Cette Jeanne Duval doit être canonisée. Solange, voyons. Ma tolérance a des limites. Ce n'est pas parce que vous êtes jalouse que vous devez être sacrilège. Moi, jalouse? Elle ne doit même pas savoir cuisiner. Donnez-moi plutôt la lettre. Je vais recopier les croquis botaniques et les ajouter à mon carnet. Qu'en pensez-vous, capitaine? C'est délicieux. Ah, toutes ces couleurs, ces goûts. On ne sait plus où on en est. C'est un peu comme vos espèces de fougères ou de papillons. C'est très différent de votre pitance habituelle. Vous savez, moi je viens de Bretagne. Tout ce qu'on y mange est vert ou marron et a plus ou moins le même goût. Sauf le poisson, bien sûr, mais j'y suis malheureusement allergique. C'est regrettable, en effet. Votre français est tout à fait admirable. Avec qui l'avez-vous appris? Avec personne. Pardon? Je me suis procuré une caisse d'ouvrages français dans un comptoir du Luango. Un missionnaire dont ma mère s'était entichée m'a appris le portugais quand j'étais enfant. Et de là, c'était très facile. Ici, tout le monde maîtrise au moins trois parlers différents. Et les langues bantoues sont autrement plus complexes que vos dérivés du latin. Mais sans être flatteur, je dois avouer que le dialecte français a ma préférence. Les petits détails, les irrégularités grammaticales me fascinent. C'est comme C'est comme des petits cailloux. Des petits cailloux. Vous avez un palais magnifique, Votre Majesté. Pour vous dire la vérité, aucun d'entre nous ne s'attendait à découvrir une cité aussi opulente dans un endroit pareil. Qu'entendez-vous par découvrir? Ah non! Non, ce n'est pas le bon mot, bien entendu. Je voulais dire que nous avons été surpris, agréablement surpris, après plusieurs semaines sur le fleuve et dans la forêt, sans y croiser un village, ni même une maison. Vous avez croisé des dizaines de villages et des centaines de maisons dans la forêt. Mais vous ne les avez pas vus. Ah. L'Ucoleta a été fondée il y a près de 8 siècles, par une autre dynastie que celle dont je descends. Contrairement à ce que vous pensez, elle est idéalement située. Entre la plaine et la forêt, la côte des Zanzibarites et celle des Congo, à la croisée de tous les chemins de commerce. Votre royaume s'étend au-delà de la forêt? Mais ce n'est pas la forêt ici. Juste l'orée du bois, comme vous dites. Il n'y a pas de royaume dans la forêt. Les Batois y règnent en maître. Et personne ne peut y survivre sans leur consentement. Mon grand-père est le premier à avoir fait la paix avec les Pygmées. À avoir réuni pasteurs, cultivateurs, chasseurs et forgerons. Ils nous versent tous l'impôt et nous les protégeons. De quoi les protégez-vous exactement? Des voleurs d'hommes. Depuis que nous avons réorganisé le territoire, ils n'osent presque plus s'en prendre à nos villages. Mais leurs razzias sont encore dans toutes les mémoires. Vous ne vous êtes pas demandé pourquoi vous ne croisiez presque personne sur votre chemin? Pourquoi seuls quelques membres de ma famille sont venus vous accueillir et voir votre défilé? Non, et je m'en excuse. La plupart n'a jamais vu de blanc. Et c'est vrai qu'il se raconte souvent que vous mangez les humains. Quoi? Ils ont surtout du mal à croire, en apercevant votre caravane et le métal de vos fusils, que les Noirs n'y sont pas attachés par le cou. Je n'y avais jamais pensé. Il est normal que mon peuple craigne le vôtre. Aujourd'hui encore, certains marchands d'hommes sont payés par les Portugais, même s'ils jurent le contraire. Et j'ai entendu dire que du côté de Niangwe, l'un de vos confrères, un certain Livingston, dîne à la même table que Tipu Tib, le pire faiseur d'esclaves que Zanzibar ait enfanté. C'est effroyable. Ce que je ne comprends pas, c'est que vos pays, qui s'enorgueillissent d'avoir seuls aboli l'esclavage, nous envoient à présent leurs explorateurs et se remettent à nous chercher des... Les poux. À nous chercher des poux dans la tête. S'ils veulent juste savoir où le Nil prend sa source, je connais des centaines de gardiens de troupeaux qui pourront le leur montrer. Qu'êtes-vous venu chercher, capitaine Tréguier ? Le professeur de l'écluse, comme je vous l'ai expliqué. C'est un homme de grande valeur pour la science et pour mon pays. Je vous ai déjà dit tout ce que je savais sur le petit fantôme barbu, comme l'ont appelé mes enfants. Vous suivrez ses traces en prenant la piste vers le sud. Mais vous ne le retrouverez que s'il le veut lui-même. S'il est encore vivant, il n'y a aucune raison pour qu'il ne souhaite pas être secouru. Secouru ? Et vous, capitaine, voulez-vous être secouru ? Je ne comprends pas. Je vais vous raconter une histoire, si vous êtes d'accord. Mais reprenons avant cela un peu de vin de palme. Kutubatrans, Memabisomasanga. La soirée va être longue. Dis-nous, Camille, comment que c'est que d'habiter dans un château, hein, d'avoir des domestiques qui te servent ton vin et t'enfilent ta chemise. Est-ce qu'on dirait les vêtements toujours chauds et la soie bien douce empêchent les poils de pousser. Regarde-moi ses bras et ses mains. Une vraie sirène. Ah, vous vous fichez dedans, les gars. Je suis pas un châtelain, moi. Je suis un aristo de l'aventure. Et ma famille a plus d'avoine que le duc de Braille, mais j'ai jamais dormi plus de 3 mois au même endroit. J'ai partagé les cabanes en rondins des Acadiens et les tentes en peau des Ouïghours. J'ai chassé les serpents avec des amanites. C'est dangereux, ça. Oh non, des anamites. J'ai même passé 2 semaines sans descendre du dos d'un dromadaire. Alors vos conneries de verre en cristal, hein. Et j'aime mieux avoir mes poils sur la tête que sur le cul. Au moins, j'ai pas besoin de mettre un mouchoir de pucelle sous mon casque, hein, Castelnac. Ça parle bien fort quand ça a bu, dites-moi. On n'a pas l'habitude des boissons d'hommes. Commencez à me courir sur le haricot avec vos insultes, Gabard. Capitaine Gabard. Pour moi, vous êtes seulement Gabard. L'immonde, l'épais, le vil Gabard. Je te conseille de t'arrêter, Villiers. C'est pas dans mes habitudes de rosser des mioches, mais si je m'y mets, j'irai jusqu'à ce que ta petite gueule d'enfant de cœur se mélange à la boue du fleuve. Ah, tu crois ça ? Pourceau du vexin, je t'aurais fait bouffer la glaise avant que t'aies pu en décoller tes gros pieds. Oh, capitaine! Putain de bordel de merde.